14, bonjour à tous. Bonjour! Bonjour à tous! Alors l'épisode 14, c'est quoi? Le bêtisier. C'est un bêtisier? Oui. Pourquoi? Parce que des fois, vous dites des bêtises? Non. Jamais? Mais non. Papi. Bon, on va voir ça. On écoute? Oui. Allez, tu vas faire le podcast. Épisode! Je sais plus. Ben, on va cacher. Eh oh! On écoute? Aujourd'hui, c'est toi qui poses les questions. Elle était sympa, sympa et rigolote, cette interview. C'est le oui. Mince. Oui. Oui. C'est le week-end. En fait, c'est comme un truc trop bien. Non. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Celui qui fait le mieux Taz. Ya ya ya. Ouah, ça donne la pêche. Il a crié, il dit. Ah oui, il crie dans le micro. Et ouais. Moi, j'ai travaillé sur... Sur quoi? Des fois 10h, des fois 11h, des fois 12h, des fois 13h. Pour l'épisode 13. Tout tourneront. Cool. Non, pour l'épisode 9. Pour l'épisode 9. On a laissé toute l'année. Pour l'épisode 9. On ne peut pas le manger, par contre. Eh oh. Je vais goûter et après j'ai tranché. Du jambon avec des chips. Oh non, c'est dégueulasse. Le chien, il l'a dessiné? Ça n'existe pas. Moi, on va pas avoir de voir. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Joue au ninja. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est d'accord. Faut qu'il tonde la pelouse et qu'il ramasse les crottes du chien. Du chien, du chien. Bah oui. Je préfère le chocolat à mamie. Il s'appelle comment? Pète Patrouille! Maintenant c'est Fabrice! Pas aujourd'hui, c'est Ellie qui le fait. Essayez de faire Mr. Bean! Ok, très bien! Au revoir tout le monde! Au revoir tout le monde! Au revoir tout le monde! À demain! À demain!